Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une épopée bien réussie. Dans Paris occupé par les Allemands, l'ouvrier poète Missak Manoukian prend la tête d'un groupe de très jeunes juifs hongrois, polonais, roumains, espagnols, italiens, arméniens, déterminés à combattre pour libérer la France qu'ils aiment, celle des droits de l'homme. Après chaque attentat, les Allemands servaient. Au début, c'était 10 otages fusillés pour un Allemand. Quand j'ai quitté le camp, c'était 20 pour un. Tu t'en fous, toi, t'es pas juif. Tu sais ce qu'il a dit, Hitler ? Qui aujourd'hui se souvient des Arméniens ? Moi, ma famille, ça fait longtemps qu'elle a disparu. Mais j'ai de la chance, puisque vous tous, vous êtes devenus ma famille. Une famille de combattants qui ne laissera aucun répit à l'occupant. Je n'ai pas peur de la mort, mais je ne veux pas la donner. C'est une question d'éthique. Qu'est-ce que c'est, éthique ? Cet endroit doit rester neutre. Sauf votre respect, aujourd'hui, il est impossible de rester neutre. J'espère que cette guerre ne va pas durer. Il faut se battre pour qu'elle se termine un jour. Il faut arrêter vos actions isolées. Ça sert à rien. On doit être organisé comme une armée, avec une discipline. Les attentats se multiplient. Les terroristes, il faut les terroriser. Dites au général Aubert qu'il ne sera pas déçu par la police française. Il peut rien nous arriver ici. C'est le pays des droits de l'homme. L'armée du crime, un film de Robert Guédiguian avec Virginie Ledoyen et Jean-Pierre Darroussin, un DVD Studio Canal.